La fortune elle-même réglait toute chose, de telle façon que l'heureuse issue de tes affaires t'avertit de porter aux dieux immortels les offrandes que tu leur avais promises et que la nouvelle t'en parvint à l'endroit où tu venais de t'écarter de la route pour te rendre au plus beau temple du monde, et même auprès du dieu qui y habite, comme tu l'as vu. Car tu as vu, je crois, Constantin, ton protecteur Apollon, accompagné de la victoire, t'offrir des couronnes de lauriers dont chacune t'apporte le présage de 30 années. Tel est en effet le nombre des générations humaines qui de toute façon te sont dues et prolongeront ta vie au-delà de la vieillesse de Nestor. Et que dis-je ? Je crois. Tu as vu le dieu et tu t'es reconnu sous les traits de celui à qui les chants divins des poètes ont prédit qu'était destiné l'empire du monde entier. Sur le plan de l'Insulin, le lieu où on se trouve en ce moment est appelé les Pointes de Cornillon. Au fond de la rue, sur le territoire de Saint-Denis, on trouve le chemin du Cornillon qui amène ici. Ce nom pourrait rappeler la présence de pierres qui sortaient du terrain et l'étendue représentée sur le plan pourrait être assimilée aux alignements de Carnac dans le Morbihan. Une zone de 4 km où des séries de pierres sont alignées sur plusieurs fils qui se terminent sur une enceinte mégalithique plus ou moins visible. À quelques centaines de mètres en ligne droite, vers le nord, on trouve le quartier dionysien du Franc-Moisin. Ce nom vient de la distorsion du latin « formosum », étant le lieu appelé avant le XIIIe siècle le « pré formosum », c'est-à-dire le « beau pré ». Selon un panégyriste du IVe siècle, l'empereur Constantin fit visite au temple d'Apollon et définit l'endroit le plus beau temple du monde. La proximité d'un beau pré aux pointes de Cornillon ne pourrait-elle pas justifier l'expression « beau temple » ? Peut-être que cette affirmation serait trop poussée, mais laissez-moi vous raconter une théorie sur l'origine de Saint-Ouen. L'histoire officielle donne naissance à la ville de Saint-Ouen autour d'une chapelle dédiée aux saints. Audouin, sanctifié avec le prénom « Ouin », serait mort dans le palais du roi des Francs d'Agobert à Clichy, ancienne Clipiacum. Saint-Ouen, avant de se livrer à la christianisation des païens et de devenir évêque de Rouen, avait été élevé à la cour de Clotaire II et devint conseiller sous Dagobert. Ce fut en compagnie de Faron, devenu ensuite évêque de Meaux et canonisé, une croix dans la plaine lui est dédiée, rue de la Croix-Faron, et Délois, devenu ensuite évêque de Noyon, également canonisé. La localisation de la ville de Clipiacum, l'actuelle Clichy, n'est pas partagée par tous les historiens. Certains pensent qu'elle peut être à Saint-Ouen, et la question est, pourquoi la chapelle aurait-elle été construite loin du palais si le saint est mort à Clichy ? Une réponse possible. Le palais royal, bâti par le roi Clotaire, aurait été construit pour rivaliser avec un lieu qui détenait un pouvoir. Bâti non pas sur le lieu même, mais un peu à l'écart, parce que le culte païen était encore présent. Avec l'instauration successive du culte de Saint-Ouen, la mémoire du lieu est restée rattachée seulement au palais, et donc à Clichy. Le suffixe « acum » dans « clipiacum » est typique de la toponymie celtique caractérisant un sanctuaire. Ce n'est donc pas sans fondement qu'on peut penser que la chapelle dédiée à Saint-Ouen puisse être construite là où il y avait un culte païen. Selon Panier, « clipiacum » viendrait de « clipé », falaise, qui serait donc le vieux Saint-Ouen qui se trouve en hauteur par rapport à la Seine. Un des dieux du pilier des Nôtes représente le dieu Esus, Owen, pour les Gaulois. Saint-Ouen dans le calendrier breton est appelé Ewen. La lettre W en germanique se lit OU, donc le choix de sanctifier Adwin avec le prénom Ouin pourrait être pris pour substituer celui-ci au culte du dieu Esus. À Saint-Ouen, il y avait autrefois un moulin appelé Bayard, mentionné déjà dans un document du XIIe siècle. Peut-être vers Clichy, mais il y aurait un témoignage concernant un moulin à Saint-Ouen, quod vulgo appel à tour Bayard. Au Moyen-Âge, Bayard était un cheval fée légendaire, Mais Henri Dontenville, fondateur de la Société française de mythologie, considère ce mot dérivé de bélénique, c'est-à-dire en relation avec le dieu celte Belenus. Christian Karl Barth, un historien allemand du XIXe siècle, soutient que les dieux gaulois Belenus, Esus et Taranis étaient une seule divinité. Félicité de Lamennais, dans Essai sur l'indifférence en matière de religion, 1823, rappelle que le grammairien grec Hésychiou assure que par le terme Esus, on doit entendre être suprême. Le nom Belenus peut également se donner à un vrai dieu, donc à un être suprême. Ceci nous amène à penser que sur l'île, ou sur les hauteurs du vieux Saint-Ouen, il y avait le culte du dieu Belenus. Selon l'historienne Anne Lombard-Jourdan, pendant l'époque gallo-romaine, le culte d'Apollon fut identifié avec le culte solaire du dieu Belenus. Une ligne le long de l'axe ouest-est du Landy nous amène donc à imaginer ce territoire verdoyant, étant aménagé à la façon d'un jardin divin. Les tumuli et les architectures religieuses découpant un espace sacré sont devenus le long des siècles un lieu dédié au culte des ancêtres, une tribune politique et un carrefour commercial. Sur le plan de l'Ancelin, le Marcreux, qui sera notre prochaine étape, est contigu aux pointes du Cornillon.